Chapitre quatrième. Madame Scarron, rassurée sur son sort, reprit pendant quelque temps ses habitudes, sa gaieté et le commerce de ses amis. Cependant, elle ne tarda pas à perdre de son goût pour le monde, malgré le succès qu'elle y obtenait. Soit que ses derniers chagrins, en le lui faisant mieux connaître, eussent motivé cet éloignement, soit, comme on l'a souvent affirmé, qu'elle eût été profondément touchée des sermons du père Bourdaloue, qui vint en 1669 prêcher à Paris pour la première fois, elle prit alors la résolution de se donner tout à fait à Dieu. Elle avait même songé un instant à se faire religieuse. « Je crois, écrivait-elle à Madame de Chanteloup, que Dieu m'appelle à lui par ses épreuves. Il appelle ses enfants par l'adversité. Qu'il m'appelle, je le suivrai dans la règle la plus austère. Je suis aussi lasse du monde que les gens de la cour le sont de moi. » Cependant, elle ne suivit pas ce mouvement, mais elle fit le projet de réformer sa vie et de s'appliquer entièrement à son salut. Elle se mit sous la direction de l'abbé Gobelin, devenu de capitaine de cavalerie, prêtre et docteur de Sorbonne. Esprit rigide, très opposé à la direction relâchée et propre, par sa sévérité, à ce que voulait Madame Scarron. Ses pensées de retraite alarmèrent ses amis. On en causa, on voulut l'en détourner, et l'abbé Testu se chargea de lui faire des remontrances. Nous n'avons pas de lettres de l'abbé Testu, mais nous avons la réponse de Madame Scarron, qui le rassure, le plaisante et le prêche tout à la fois. La voici. « Ne vous alarmez pas de ma dévotion, mon pauvre abbé. Rassurez l'hôtel Richelieu. On n'oublie pas, dans la solitude, des amis à qui l'on en doit tous les agréments. Ma vie, dites-vous, n'a pas besoin de réforme. Le père Bourdaloue ne me parlerait pas sur ce ton. Vous êtes aujourd'hui mondain, vous ne le serez pas toujours. Viendra un temps où vous préférez le ciel à la terre. Vous êtes fait pour Dieu. Ceux qui attribuent ma retraite à un dépit, sans doute, ne me connaissent pas. Et jamais donné lieu à de pareils soupçons. Elle est le fruit de réflexions sérieuses. Je fuis le monde parce que je l'ai trop aimé, parce que je l'aime trop. Vous me dites qu'on peut y faire son salut. Vous devez sentir vous-même combien cela est difficile. J'aime bien cette maxime du père Joseph. Pour être vertueux à Paris, il ne suffit pas de le vouloir. Je ne veux pourtant pas en sortir encore. Trop de chaînes m'y attachent, et à ma faiblesse, je sens que je ferai des efforts inutiles. On vous a dit vrai, si l'on vous a dépeint mon directeur comme un homme rigide. Il ne défend point les plaisirs innocents, mais il ne permet pas de traiter d'innocents ceux qui sont criminels. Sa piété est douce, gaie, point fastueuse. Il n'exige pas une vie toujours mortifiée, mais il veut une vie chrétienne et active. C'est un homme admirable. Je vous l'enverrai, si vous le souhaitez, à vous et à Guébriand. Il commence par s'emparer des passions, il s'en rend maître, et il y substitue des mouvements contraires. Il m'a ordonné de me rendre ennuyeuse en compagnie pour mortifier la passion qu'il aperçut en moi, de plaire par mon esprit. J'obéis. Madame Scarron prit un logement modeste dans la rue des Tournelles et y vécut solitaire. Elle allait souvent au couvent des Filles Bleues, qui était voisin, et où l'attirait la maréchale de Rantzau, son amie, qui avait pris l'habit religieux. Elle vivait dans ce petit logement de la rue des Tournelles, paisible et retirée, occupée de lectures graves et de bonnes œuvres, lorsqu'un incident imprévu vint décider de son avenir. Madame de Montespan, dans ses entrevues avec la veuve du poète, avait été charmée des grâces de son esprit, et sa pensée se porta vers elle pour la première éducation des enfants, dont la naissance aurait dû lui faire verser des larmes d'un amer repentir. C'était une mission délicate, épineuse, et qui demandait autant de discrétion que de sagesse et de dignité. Madame Scarron sut remplir avec une haute convenance cet emploi si difficile. Elle avait près de 40 ans quand elle vint s'établir à la cour. Elle ne dépara son nouveau titre ni sous le rapport des agréments, ni sous celui de la piété, car ce fut le propre de ce siècle d'avoir produit une foule de femmes remarquables par leur esprit et leur beauté, qui, dans toutes les conditions, donnèrent l'exemple d'une existence tout entière dirigée par la religion. On peut même dire que Madame de Maintenon eut son œuvre à elle, en contribuant à tirer le roi du désordre, à le rapprocher de la reine, à faire triompher à la cour la réforme des mœurs. La piété est en effet ce qui domine dans sa vie, et il faut le remarquer, parce que c'en est en quelque sorte le secret, en ce sens qu'elle servit de guide à ses actions, et qu'elle explique sa conduite bien plus que les calculs de l'habileté dont on a voulu faire honneur à son esprit. Elle a tracé elle-même sa propre histoire en disant ces paroles pleines d'un grand sens. Il n'y a rien de plus habile qu'une conduite irréprochable. Lorsqu'elle fut établie à la cour, elle y vécut d'abord assez retirée à cause des soins qu'elle devait à ses élèves, puis admise de plus en plus dans l'intimité de Madame de Montespan et du roi, de plus en plus aussi séparée de la société et de ses amis. Elle y était arrivée moins avec ambition qu'avec crainte, même avec répugnance et un peu effarouchée de la position difficile qui l'y attendait. Plus Madame de Montespan connut Madame Scarron, plus elle s'y attacha, ravie d'avoir sous la main, et pour société journalière, une personne si aimable, si spirituelle, de si bons conseils et de si bonne compagnie. Il est vrai que la grande intimité qui s'était établie entre elles ne dura pas longtemps sans nuage, mais l'attrait mutuel qu'elles avaient l'une pour l'autre effaçait vite leur brouillerie. Madame de Montespan se montra bientôt capricieuse, impérieuse et jalouse. Tantôt elle était enchantée de la gouvernante, lui confiait tout avec épanchement, lui parlait de ses affaires et lui demandait ses conseils. Tantôt elle la traitait avec froideur, prétendait qu'elle lui fût entièrement soumise et lui faisait sentir la distance qui les séparait. Celle-ci voulait être traitée non comme égale, mais comme amie, et ne supportait pas d'être le jouet d'une femme dont elle n'était pas la complaisante. Parmi les sujets de querelle, l'éducation des enfants n'était pas un des moindres. Madame de Montespan, très occupée de mille autres choses, y regardait d'ordinaire fort peu, mais parfois elle intervenait, contrariait les plans, voulait tout changer, surtout diminuer la dépense. Ces deux dames étaient rarement d'accord sur les soins à donner et sur le régime à faire suivre à ses enfants, que Madame de Montespan gâtait beaucoup, qu'elle habituait à veiller avec elle et dont elle faisait son jouet, ce que ne pouvait supporter l'esprit sensé de Madame Scarron. Celle-ci s'était entièrement dévouée à ses enfants, non seulement par devoir, mais par tendresse. Elle s'était surtout attachée au second, qui était le duc du Maine. Il est vrai que le duc du Maine était charmant. Sa beauté, sa gentillesse, sa raison précoce et la finesse de ses réparties lui avaient fait une véritable réputation. Le roi en raffolait. Un jour qu'il causait avec cet enfant, il lui dit « Je vous trouve bien raisonnable pour votre âge. » « Il faut bien que je le sois, » répondit le jeune prince. « J'ai une dame auprès de moi qui est la raison même. »« Allez lui dire, » reprit le roi, « que vous lui donnerez ce soir 100 000 livres pour vos dragées. » Ce premier don, sous le nom de dragée, avait été fait quelques jours après l'établissement des enfants à Versailles. Peu de temps après, il lui fut encore fait un don de pareille somme. Ces gratifications ne lui ôtaient pas le désir de s'éloigner de la cour. Elle écrivait à cette occasion à l'abbé Gobelin, après lui avoir parlé de ce nouveau bienfait du roi. « Maintenant, je suis résolue d'acheter une terre auprès de Paris. J'attends des nouvelles de M. Viette pour en aller visiter, car je ne change point sur l'envie de me retirer. » En effet, elle trouva bientôt l'emploi des 200 000 livres que le roi lui avait donné en faisant, au mois de décembre 1674, l'acquisition de la terre de Maintenon, située à 14 lieues de Paris, à 10 de Versailles, à 4 de Chartres, et valant 10 à 12 000 livres de rente. Elle alla visiter cette acquisition au commencement de l'année 1675, et à cette occasion, elle écrit à Madame de Coulanges « J'étais 2 jours à Maintenon, qui m'ont paru un moment. C'est une assez belle maison, un peu trop grande pour le train que j'y destine. Elle a de fort beaux droits, des bois, où Madame de Sévigné rêverait à Madame de Grignan tout à son aise. » « Je voudrais pouvoir y demeurer, mais le temps n'est pas encore venu. » Au retour de ce petit voyage, un mot tout à fait inattendu est que le roi, qui était toujours gracieux pour elle, prononça tout simplement, comme par habitude, fit assez d'effet à la cour et marqua l'époque d'un heureux changement pour la gouvernante. Légère circonstance qui ne fut pas sans importance dans sa destinée. En lui parlant, le roi la nomma devant tout le monde « Madame de Maintenon ». Et depuis, elle n'a plus porté et on ne lui a plus donné d'autre nom. « Il est très vrai, » écrit-elle à Madame de Coulanges, dans la même lettre que nous venons de citer, « que le roi m'a nommé Madame de Maintenon et que j'ai eu l'imbécilité d'en rougir. » La terre de Maintenon fut érigée en marquisat en 1689 et Madame de Maintenon porte dès lors le titre de marquise.